pas d'idée. L'esprit vide, que pauvre sans âme. Tête ridée, l'air fétide, encore affronté un jeu. Supporter ces engins qui se mettent à brailler. Pouvoir changer les notes, oh oh, c'est pas si facile. Pouvoir changer les notes, oh oh, c'est pas si facile. Grisaille d'hiver, même d'été, toujours espérer un emploi. Ah. Goût amer, ne pas regretter, passer l'histoire faite de joie. Sans âme qui ne s'éveille que maintenant d'un drame. Pouvoir changer les notes, oh, c'est pas si facile. Pouvoir changer les notes, oh, c'est pas si facile. Sa solitude au point de mettre sa main.